Vous êtes aux amateurs de Mac, bonsoir. On vous souhaite une excellente soirée en ce 5 avril 2012 où on espère que vous êtes venus avec vos questions parce que nous, on a des réponses. Je vous présente tout de suite en fait les spécialistes Mac de Mac Québec qui sont aussi des repris de justice pour lesquels on a une subvention. Jean-François, on va commencer par Jean-François, ça va bien? Oui, toi? Oui, pas mal. Donc, toi, tu es détenu pour quoi exactement? Je sais pas. Je fais un peu de cours. Jean-François qui est avec nous. On a Bernard. Ça va bien, Bernard? Ça va bien, toi? Oui, merci. Passe une bonne semaine. Oui, pas pire. Excellent. Et on a Vincent qui a finalement réussi à... Écoute, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'espère que vous m'entendez. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son son, par exemple, là, ça doit être ça. Moi, j'ai coupé mon son. Il n'y a personne qui peut s'entendre en écho. Il y a juste nous autres, si on ouvre le son, parce qu'on a la conversation Skype. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Oui, mais pour le monde dans le chat. Il semble avoir un écho. Est-ce que c'est le bon... Oui, deux fois. Tu vois, j'ai tous mes sons coupés. Est-ce que tout le monde a fermé son... Oui, en écho. Bizarre. T'as tous tes écouteurs, Vincent? Oui. OK. Il bon. Est pas fort, OK. On va voir si ça se replace éventuellement. Donc, on a certaines petites choses à parler. Entre autres, en fait, on l'a mentionné pendant le podcast Mac. Qui roule. On a reçu un paquet de réponses. C'est pour gagner un smart car Apple pour un iPad, évidemment, de deuxième et troisième génération. Il est de couleur pomme verte et il est offert par iPlanet Pod, dont vous pouvez trouver les produits un peu. Oui, Alexis, tu as un problème avec ta... Je sais pas, on t'entend mal. Ça coupe de ton bord. Ça coupe? Ah. Pourtant, il n'y a aucun changement qui a été fait. Est-ce que quelqu'un utilise ta bande passante, quelque chose, ta blonde ou... Voilà, ça devrait être mieux maintenant. JF est en double aussi. Écho pour moi. Il n'est pas supposé d'avoir d'écho. Mon son, il est fermé. C'est bizarre. Moi, est-ce qu'on m'entend en écho? Peut-être qu'en rebootant, en fait, on a tout perdu nos micros. Avez-vous bien... Moi, on n'entend pas en écho. Moi, est-ce qu'on m'entend en écho? Non. Bon, ça a l'air que c'est revenu comme il faut, là. Bon. Faites juste vérifier, les gars, en tapant sur le petit gear, si vous êtes bien avec... Oui, c'est correct. Parfait. Excellent. Donc, vous êtes... je parlais du concours... Smart Cover. Et on va avoir comme ça des concours qui vont durer un mois sur le site de Mac Québec. Au cours des prochains mois, il va y avoir différents produits. On a ce Smart Cover-là qui nous a été offert. On va avoir aussi un Kensington Folio qui est, je pense, un produit qui est très semblable, Bernard, pour ton iPad. C'est un petit Bluetooth qui est intégré. Oui, je l'ai sur la main. Non, je l'ai pas. Ah oui, je l'ai sur la main. C'est un genre de petit truc comme ça. Je vais le montrer. Je suis en train de perdre mes écouteurs. Alors, c'est ça ici. On glisse notre iPad ici. Ouais. Et là, vous voyez le clavier Bluetooth. C'est très pratique en voyage. Voilà. Je vais juste remettre mes écouteurs. Je vous entends quand même, mais quand même vous entendre mieux. Voilà. Ce produit-là, c'est à par Mario Gaucher, qui est un contributeur sur Mac Québec Entraide. Mac Québec Entraide, qui est la plateforme, en fait, qu'on utilise pour recevoir vos questions. C'est comme ça qu'on peut préparer un peu quelques questions d'avance. Et ben, les autres, en fait, on vous invite à venir et nous les poser. Ce qui me fait penser, Vincent, on offre depuis quelques semaines des codes promotionnels pour des applications. Quand les gens viennent nous poser des questions live, les gens commencent à comprendre comment ça marche. D'ailleurs, Biker Chief a posé une question très, très rapidement. Et qu'est-ce qu'on aurait, qu'est-ce qu'on a cette semaine, M. Miller, à offrir? Cette semaine, on a encore une clé d'activation, mais en fait une licence de Clean My Mac, ainsi qu'une licence de Printopia. Puis aussi, exceptionnellement, on a aussi une autre licence que je vais rapidement, qui j'ai contacté donc, cette semaine. C'est... Attends un peu, je vais te le dire, tu m'as envoyé ça, là. Ouais. Qui, donc? Si. J'en contacte tellement. Ah ouais, t'as un peu, là. C'est devenu comme un problème, là. Air Display, oui. Voilà, excellent. By the way, Air Display qui a sorti une nouvelle version cette semaine. Qu'est-ce que c'est un peu Air Display? Est-ce que quelqu'un l'utilise? C'est utiliser, en fait, votre iPad ou un autre Mac pour... comme deuxième écran, comme deuxième moniteur, puis partager. Je sais pas, vous travaillez sur votre ordinateur, mais vous avez, on va dire MSN, là, je dis MSN, mais on le traîne sur le deuxième écran pendant qu'on travaille sur notre écran d'habitude. Cet écran-là, iPad, c'est un prolongement de votre écran habituel, donc c'est ça. C'est très pratique, il y a beaucoup de fonctions. Là, j'ai pas fait encore le test complet qui va apparaître sur le site de Mac Québec, comme un article, un test complet de l'application. Mais je vais le faire bientôt. Là, donc. Ça va être à peu près la même chose qu'ils vont avoir dans le nouveau Mountain Lion? Oui, je pense que ça va être semblable, oui, effectivement. OK. En fait, la première fonctionnalité est vraiment d'utiliser le iPad comme second écran de l'ordinateur. Et ils ont fait une mise à jour cette semaine qu'ils ont distribué sur le Apple Store et ça rend compatible en fait l'application avec le Air, avec le Retina display du nouvel iPad et ce qui est très intéressant c'est que toute l'interface de macOS 6 est prête d'être resolution independent, c'est-à-dire que si vous avez un écran de grande résolution, ben vous allez avoir en fait qualité d'image très, très intéressante. Et on le sait, depuis la sortie du nouvel iPad, c'est cet appareil-là qui a la résolution la plus grande de tous les appareils Apple. Et si on glisse une fenêtre, eh bien, en fait, elle va être plus claire sur le iPad que sur votre propre écran d'ordinateur parce que, évidemment, sa résolution est plus haute. Moi, j'ai un ami qui, entre autres, utilise ce logiciel-là pour créer une espèce de contact entre ses clients et le produit qu'il leur offre. Donc, lui, il fait de la photographie et on le sait, là, la photographie, on la développe de moins en moins. Donc, ce que lui fait, c'est qu'il utilise Air Display pour mettre la photo sur l'appareil. Il fait une recopie vidéo seulement de la photo qu'il est en train de traiter. Et là, devant les yeux de la personne qui ébahit à ce iPad-là, donc il y a vraiment un contact physique, ben lui, de son côté, dans photo, il passe ses filtres, il améliore la photo, tout ça. Fait que là, la personne, elle fait comme « wow ». Puis là, il montre « ben voici comment elle était la photo, voici comment elle est à la fin de mon traitement ». Fait que ça améliore de beaucoup, en fait, ses ventes. Voilà. Donc, on le salue, c'est Martin Resch, Mon ami, c'est lui d'ailleurs qui nous a prêté le trépied pour le petit voyage qu'on a fait, moi et Vincent, à Québec dans le cadre du Salon de l'Aquaps. Qui est pratique, mais pesant. Qui est pratique. Moi, j'étais là, j'en ai parlé un petit peu du Salon de l'Aquaps. Est-ce que tu as quelque chose rapidement à rajouter? Non, je pense que tu as fait pas mal le tour. C'était très intéressant, vraiment. J'étais plus là comme vous connaissez Alexis, comme son... En fait, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il faisait du PR. Oui, un peu. Non, mais il parle beaucoup, puis ça a super bien été. J'étais là un peu comme caméraman pour gérer un peu tout ce qui est plan de vue. J'ai fait le tour, prendre des plans de vue un peu partout, prendre des photos aussi. J'en ai pris quelques-unes. Donc, puis je vais faire le montage des entrevues qui ont été faites. Je pense qu'il y avait 3 entrevues qui ont été faites là, aujourd'hui. On a fait 2 capsules avec Jean-François Jouraud de Calista. 2 capsules, un du gars de BenQ, puis ouais. L'autre là, de I quelque chose. Un bon ami, Simon Collin, qui travaille chez BenQ, effectivement, et iClass qu'on fait. Et BenQ, en fait, Simon ne peut pas le dire, mais il y a une division de BenQ, en fait, qui fabrique beaucoup, beaucoup d'écrans pour Apple dans différents produits. Les DAL sont fabriqués par BenQ. Donc, on a déjà des questions qui nous attendent et je vais en mettre une en onde maintenant. C'est la première qui nous est arrivée. Je le mentionne parce qu'on garde, selon l'ordre des gens qui nous ont posé des questions, on leur donne le choix, en fait, du petit cadeau qu'on offre. Donc, Biker Chief, qui est un auditeur loyal et fidèle et qui vient souvent nous écouter, nous demande « Salut, je viens de déménager. J'ai acheté un nouveau routeur Netgear N750. Y a-t-il moyen d'augmenter la puissance? Le Wi-Fi ne fonctionne pas bien sur l'ordo de ma blonde. » Je pense qu'il y a un autocorrect parce que ordo, le monde n'utilise pas ça. Puis comme mot, puis j'ai l'impression que bon, ça revient souvent. Bref, donc le Wi-Fi ne fonctionne pas bien sur l'ordi de sa blonde en Windows 7. Merci. Donc, c'est pas un produit que je connais personnellement, le Netgear N750. Comment vous voyez ça, vous, pour augmenter le. Ben là, je suis dans le fichier PDF du dit routeur et je suis en train de vérifier ça parce que ce n'est pas tout pareil. Pour vous conseiller un peu, je ne sais pas s'il y a des antennes, celui-là, d'habitude, il y a pas mal toutes des antennes, non? Non, il n'y en a pas. Ah, OK. C'est comme une time capsule que j'ai, là, ça n'a pas d'antenne, tout est intégré dans le case. Là. OK, bon, ça, c'est un peu plus complexe parce que je sais qu'il y a des façons d'augmenter assez significativement. la puissance du routeur, mais en fait le signal, donc l'étendre un peu plus loin. Lifehacker donne un tutoriel rapide pour vous aider, qui en fait, vous prenez du papier d'aluminium, rapidement, là, c'est à peu près ça, vous prenez du papier d'aluminium que vous formez en antenne, alentour de vos antennes, pour diriger un peu les ondes, puis effectivement ça fonctionne très bien. Puis comme il disait, pour tourner un routeur qui vaut à peu près 60$ à un routeur qui vaut 600$. Fait que, t'sais, je sais pas s'il augmente un peu, mais ça donne un certain boost. Puis, il y a des façon logicielle. La seule manière de l'augmenter, c'est en mettant aussi un firmware genre Linux ou Open là, dedans votre routeur. Donc, il y aurait cette façon-là de faire. J'en connais pas vraiment qui serait sans briser une espèce de garantie du routeur ou à part les antennes. Là, mais... J'ai cherché un petit peu sur Internet, puis on dit que en achetant un wireless extender, donc un range extender, non, finalement. On... Mm-hmm. Le truc, c'est on que. Prolonge. Le truc, par contre, c'est que c'est relativement... Bon, il y a différentes raisons pourquoi le Wi-Fi se rend pas. Il peut y avoir la distance, il peut y avoir les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication des obstacles entre le routeur et l'ordinateur qui va capter. Ça peut aussi arriver que le routeur, dont la job est de diffuser des ondes, diffuse jusqu'à votre ordinateur. La problématique, par contre, c'est que votre ordinateur va capter, va pouvoir vous dire oui, le routeur est là, mais un peu comme si moi et, je sais pas, Stéphanie Lapointe, on se retrouvait dans une pièce très, très grande, qu'on était très, très loin l'un de l'autre et qu'on... Laisse-la dans le fond. Et qu'on voulait se parler. Ben là, une petite voix Donc, ça ne se rendrait pas nécessairement alors que moi, ma voix se rendrait. Donc, entre un routeur et un ordinateur, tout dépendant, c'est quoi l'ordinateur, c'est quoi sa capacité à capter, ben, à ce moment-là, on peut effectivement avoir, c'est-à-dire recevoir le routeur. Souvent, on va ouvrir en fait le Airport Chooser là, pour voir les différents routeurs qu'on a autour de soi. Et puis, on en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qu'on capte, mais à peine. Donc, ça, c'est évidemment les murs, les obstacles qui vont diminuer la puissance du routeur. Une des choses faciles qui peut être faite, c'est probablement de resituer le routeur à mi-chemin entre les différents, en fait, dans une position centrale dans la maison. Donc, si on a deux ou trois étages, ben peut-être le mettre dans une position plus centrale. Si on a trois étages, le mettre au premier étage. Puis souvent, en fait, surtout pour les routeurs N, c'est pour ça qu'ils ont été mis sur le marché. Ils vont réussir à couvrir toute la maison. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que des maisons sont peut-être plus grandes. À ce moment-là, il va falloir utiliser des Wi-Fi extenders, des appareils qui sont faits spécialement pour ça. La problématique avec ces appareils-là, c'est qu'il faut absolument le Wi-Fi extender de la compagnie qui le propose. Donc, dans le cas d'Apple, par exemple, le Wi-Fi extender d'un AirPort Extreme ou d'une Time Capsule, ce serait un AirPort Express. Et ça utilise un standard qu'on appelle le WDS, en fait, qui n'est pas un standard, qui est comme une norme ou un gadget ou un patentage. Donc, le routeur écoute un petit peu. C'est comme si, toujours dans ma description tout à l'heure, là, de moi et Stéphanie Lapointe qui sommes dans une pièce, mais c'est comme si je mettais, mettons, Jean-François entre nous deux. Fait que là, je gueule, Jean-François capte. Il a écouté le message, il se retourne, puis là, il parle à Stéphanie. Comme lui est plus proche, ben il a à gueuler moins fort, ou en tout cas, quand il gueule, c'est capable de se rendre. Maintenant, c'est un peu la même chose pour le routeur sans fil. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va avoir une phase où est-ce qu'il va écouter, et dans un deuxième temps, une phase où est-ce qu'il va envoyer le signal à l'ordinateur. Et la problématique là-dedans, ben, c'est que ça ralentit tout le processus. Moi, une petite suggestion, ce serait un boîtier qu'on appelle... bougez pas une petite seconde, je vais essayer de le trouver. C'est de la compagnie Ubiquiti. Ubiquiti que vous pouvez trouver au ubnt.com. OK? Et cette compagnie-là n'est pas très distribuée. Vous ne trouverez pas ça, là, ces appareils-là, dans... comment ça s'appelle, chez les fabricants. Pas chez les fabricants, c'est pas ça que je voulais dire. Chez les... distributeurs. Distributeurs, voilà, Future Shop, tout ça. Vous n'aurez pas ces appareils-là. J'arrive pas, ils ont changé peut-être un petit peu le site web où les produits ont peut-être changé. T'as-tu parlé d'autres routeurs alentours qui pourraient diminuer le signal? Non, ben en fait, c'est vrai qu'il peut avoir de la pollution, mais c'est un routeur N, c'est le modèle 750. Si je ne me trompe pas, il fonctionne à 5 GHz. Oui, mais tu sais, si jamais il est dans un condo, il y a plusieurs blocs appartements autour de lui, des fois, je sais que ça diminue la qualité du signal ou en fait, il va avoir beaucoup de noise là, signal. Ou que le canal est trop surchargé. S'il y a beaucoup de monde dans le bloc qui utilise le même canal, ça va surcharger. Il y a des interférences de d'autres appareils, que ce soit dans l'appartement ou dans un appartement voisin. Mm-hmm. Donc, peut-être de tester un autre canal. Aussi, est-ce que les deux ordinateurs utilisent le N ou bien il y en a un qui est sur le G et l'autre est sur le N? Parce que quand on met comme en bimode, les performances sont moins bonnes quand on est en bimode. Des fois, il faut mieux vraiment se concentrer juste sur une norme, mettons la N. Oui, puis c'est parce pour que, ça que... sur la N, par exemple, sur l'iPhone 4, il ne le supporte pas. Sur l'iPad 2, à partir du iPad 2, je pense qu'il supportait le N. Donc, c'est sûr que si vous avez un iPhone 4, puis vous voulez pousser du N, vous pouvez pas l'utiliser à la maison, donc vous êtes obligé de descendre à N 5 GHz, je veux dire, là, versus le 2.4. Donc vous êtes obligé de descendre à 2.4. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, donc ça peut déranger. Donc, ouais. Voilà toutes des bonnes solutions pour améliorer le réseau sans fil à la maison. Mais il me semble que dans... Excuse-moi, Alexis. Il me semble que dans le... J'ai déjà eu un routeur Netgear, puis dans la page admin, il y avait une façon de changer la puissance du signal. De diffusion, oui. De diffusion, oui. Il y a du 20 c'est ou possible. Du 40 MHz. Dépendant, il y a certains routeurs qui acceptent juste du 20, d'autres qui c'est du 20 ou du 40 qui se fait automatiquement. Je peux pas, je m'avancerai pas là-dessus là, parce que je suis pas un grand connaisseur des routeurs, mais je sais qu'on peut aller le changer. Donc, à la limite, même certains peuvent supporter le 40 sans nécessairement l'offrir. Donc, un open firmware pourrait régler l'affaire. Oui, puis on ne sait pas la carte sur l'ordinateur Windows si elle supporte cette norme-là. Mm-hmm. Donc, des fois, elle ne la supporte pas du tout. Ça peut être une G. Là. Ça peut être une G. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais savoir? Ah oui, il y a des logiciels qui nous permettent de sniffer les connexions Wi-Fi un peu partout. Il y a autour, effectivement. Comme il y avait NetStumbler, il y en avait d'autres, Coconut Wi-Fi, il y en avait plein. KissMac. On peut voir aussi le gain, la puissance. Sur Mac, ce serait MaxTumbler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un logiciel qu'on utilisait beaucoup. En fait, que moi, personnellement, j'utilisais beaucoup avec Il sans fil. Voilà. KissMac, effectivement, ce serait l'équivalent de Kismet. Donc, un petit utilitaire qui fait ça et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses, c'est ça, je m'en allais dire. Kismet, d'ailleurs, ne fonctionne pas très bien sur Lyon, juste pour faire. C'est ça, je viens de décrire une nouvelle version cette semaine, mais il fonctionne mieux. OK. Ah. Bon. D'accord. Oui, c'est ça, la carte sur l'ordinateur aussi qui pourrait être améliorée. Là, je ne sais pas si c'est un portable, si c'est un ordinateur de table, est-ce que c'est une carte avec antenne, sans antenne, est-ce que c'est une carte de bonne qualité, 5 GHz, 2.4. Tout ça pourrait être à vérifier. Il y a un phénomène aussi dont on ne parle pas très souvent sur les réseaux sans fil qui est le phénomène de hidden node. Okay? C'est-à-dire que plus on est de gens sur un réseau sans fil et plus le routeur, en fait, doit vous donner des périodes où est-ce que vous pouvez dialoguer avec lui. Donc, si on est 4 sur le même réseau sans fil, ça va être très, très difficile de pouvoir faire quelque chose tout en même temps. Le routeur va faire « OK, toi, as-tu de l'information? Oui, non. OK, il va passer à l'autre. Oui, non. » Et il va traiter l'information comme ça. Et comme il n'y a pas de synchronisation, il écoute vraiment n'importe où, mais ça occasionne certains problèmes. Là. On pourrait dire qu'en fait, le Wi-Fi à la maison, c'est un peu une technologie non-non en opposition à du 3G ou du 4G où il y a une horloge qui est à l'intérieur et il y a une espèce de protocole de « à telle période, je vais t'écouter toi, à telle période, je vais t'écouter toi ». Ce qui fait que si on prend cet exemple-là puis on le met en termes d'assemblée, assemblée, là, je parle de plusieurs personnes qui veulent se parler, c'est beaucoup mieux là, quand on a une période de questions allouées, tout ça, là, il y a quand même plus de discipline. Donc, c'est un peu la même chose pour le Wi-Fi. Et le hidden node, en fait, c'est que le routeur attendrait une espèce de réponse d'un point d'accès qui est trop loin, qui est identifié, il dit « oui, il est là, je le vois, mais quand il parle, j'entends rien. » Puis là, il est comme « quoi? Hein? Hein? Quoi? » Puis là, il reste pogné là-dessus. Fait que ce hidden node-là fait s'écrouler, en fait, la qualité de service. Le service sur le routeur. Puis on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Là. Fait que c'est un des trucs nébuleux qui peut causer des problèmes sur du Wi-Fi. toujours important, en fait, de le protéger, évidemment, avec du mot de passe. Là. Si vous, c'est peut-être un phénomène qui peut plus se voir si vous laissez ouvert le point d'accès. Prochaine question. La question de Barnac77. Là, là, ça va être à toi, puis à... Ben, vous n'avez trop... lors d'un visionnement sur tout.tv en mode AirPlay du nouvel iPad et non du iPad 3 sur son Apple TV, je perds le streaming si je ferme le iPad ou si je le mets en veille. Mais je n'ai pas ce problème avec Touch. Mais je n'ai pas ce problème avec mon iPod Touch. C'est vrai? Est-ce que les deux ont la même... Ont-tu la même version? Même version. Le streaming si je ferme le iPad. Oui, mais... C'est-à-dire s'il le met en veille en appuyant sur le bouton en haut. Là. Puis il n'y aurait pas le problème sur le iPod Touch. Donc, dans l'application... Il peut pas juste l'activer. Si tu cliques deux fois sur le bouton, là, tu vas apparaître, tu vas voir l'espèce de commande play qui doit être sur stop, en fait. Je vais recliquer, il va pas redémarrer tout seul, puis ensuite il va être sur veille, mais il va fonctionner sur l'iPad. Ouais, c'est parce que pour mettre l'iPad sur veille, il faut que tu appuies sur le bouton en haut. Oui, mais une fois que tu as cliqué sur le bouton, l'écran devient noir, mais si tu cliques deux fois sur le home button, tu vas voir, dans le fond, les commandes de son puis de musique. Est-ce que c'est la commande d'AirPlay va être là, j'imagine? Si tu cliques sur play, le tout.tv va repartir. Bref, la question c'est plus pourquoi ça fait sur mon iPad et pourquoi ça le fait pas sur mon iPod Touch. Ouais, c'est peut-être plus ça. Ce serait de vérifier en fait si la version du logiciel est la même. Nous on va essayer en fait, on va faire des tests cette semaine pour voir si vraiment ça cause le problème. Moi, j'aurais cru, en fait, que tous les appareils, dès qu'on les met en veille, le bouton sert à ça. Il n'y aurait pas de continuation au niveau de la diffusion là, d'une application vidéo, parce que c'est une application 5.1. Vidéo. Si je ferme mon appareil, c'est parce que je veux arrêter de voir la vidéo. Là. Donc, moi, je penserais plus que le comportement normal serait celui du iPad. Peut-être qu'Apple a mis quelque chose pour préserver la batterie, mais en fait, s'il voulait vraiment préserver la batterie, ce serait le contraire. Ce serait le iPad qu'on pourrait mettre en veille, puis le iPod Touch qu'on peut laisser fonctionner. C'est effectivement relativement bizarre. Peut-être qu'il faudrait restaurer, j'imagine, le iPad 3, l'iPad en fait. Mais il faudrait voir, excuse-moi, ouais, Jean-François. Ouais. Faudrait voir aussi c'est quoi les versions de chacun. C'est pas la même version du iOS dans le iPod Touch puis dans le iPad, peut-être que... Les deux sont à 5.1. Est-ce que l'Apple TV est la dernière version aussi? Ah, ben en fait, il l'est ou il ne l'est pas pour les deux trucs. Moi, j'aurais tendance à dire que les applications tout.tv sont peut-être pas les mêmes sur les deux appareils, et peut-être que ça vaudrait la peine de contacter les gens chez tout.tv pour leur poser la question, est-ce que c'est normal que tel appareil fonctionne ou ait ce comportement-là, et est-ce que c'est normal que tel autre appareil ait ce comportement-là? Peut-être que c'est simplement un choix sur l'application en tant que telle. Peut-être que, bon, comme l'appareil iPad est plus un appareil de consommation de contenu, ils se sont dit, bon, ben c'est pas grave, on va laisser, on demande à ce que l'appareil continue de rouler pour je sais pas quelle raison. Peut-être qu'au niveau du iPod Touch, ben la décision a été faite différemment. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de poser la question à tout.tv dans un premier temps. Peut-être qu'eux auraient la réponse. Une des premières questions, en fait, auxquelles on n'a pas de réponse. Oui, c'est une première ce soir. Marquez ça dans les annales du show. 5 avril, on n'a pas de réponse. Ben, on va tout le moins tester les gens qui ont un iPad, nouvel iPad, puis un Apple TV. Okay. On pourrait tester si on peut retrouver le même comportement. Moi, j'ai un comportement plutôt à peu près similaire avec l'application iTV. Okay. Après un certain temps de lecture, à un moment donné... Ça se ferme tout seul. On dirait que l'application, après tant de temps, se ferme tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ça peut être juste logiciel, hein? Ça peut être l'application qui ouais, est faite comme ça. Mais j'ai essayé de voir une... Tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est une application pour écouter des shows de télé, là. Ouais. Tu sais, que tu as préenregistré sur ton autre Mac. Mais j'ai cherché pour des paramètres, puis absolument rien qui me dit qu'il faudrait que j'aille un temps limite. Ou, donc, peut-être parce que ça chauffe, c'est peut-être parce que... mais y a-tu la mise en veille ou le verrouillage sur ton appareil après un certain temps? Oui, mais j'ai pas ça avec d'autres applications. C'est la seule application qui va me créer ça. Peut-être, Vincent saura nous le dire, mais quand on programme une application, est-ce qu'il y a moyen de lui dire que de bypasser peut-être les settings au niveau mise en veille ou verrouillage? On peut pas bypasser, mais on peut quand même lui demander de faire, par exemple, du streaming audio-vidéo en continu. Il y a des options... notamment dans le fameux info.plist, là, si tu veux faire du streaming, par exemple audio, par exemple dans l'application MacQuébec, si tu fermes l'application, elle continue à jouer. Je sais qu'au niveau vidéo, c'est la même chose, il y a une option pour ça. Par contre, là, des applications grosses comme ça, qui ont des budgets énormes, ils ont souvent des API consacrées juste pour eux, donc qui créent leur propre API. Fait que peut-être que ça peut faire de l'interférence entre différents settings de base dans l'application, puis des API dans... propriétaires là, à la compagnie. C'est dur de répondre. Par contre, c'est un univers peut-être fermé, fait que je pense pas qu'on peut vraiment bypasser ça. Peut-être qu'il y a une piste. En fait, il nous a dit que du côté du iPhone, et en fait, le iPod et l'iPhone auraient le même comportement. Ce sont des appareils qui sont peut-être plus semblables pour Apple. Puis peut-être que comme l'application... J'ai perdu le son. Oh! Ah bon. Pourquoi c'est revenu? Ah, c'est Jeff qui est parti. C'est lui qui a hosté la conversation sur Skype. Ah oui? Oui. Fait que tout le monde a arrêté de nous entendre? Ben non. Eux, ils continuent à nous entendre depuis tantôt là, dans la chat. Mais okay. Nous, on pouvait plus s'entendre. Donc, mais c'est réglé. Ah, c'est bien. Jeff est revenu. C'est comme la première fois que ça arrive, ça. Oui, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que... Mon modem câble a rebooté lui-même. Ah. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'affaire, lui, à faire ça? Le sais-tu? Je m'en ai appelé tantôt. Tu parles d'un heure, toi, pour rebooter à cette heure-là. Faut voir. Là, est-ce qu'on nous entend? Oui, on... Ouais, c'est parce qu'il était pas là, ouais. Mais là, vous allez les entendre. Là, ça va fonctionner. Oui, il était pas dans le cadre. Puis Vidéotron, on va nous entendre en tabarouette. Ah oui, mais hein. Ça fait deux fois, je pense, que ça m'arrive pendant le show que le modem reboot, là, fait que... Bon, qu'est-ce qu'on disait, donc? On parlait de quoi, donc? On parlait dans le dos de JF, je pense. Ça, ça, allez-y, j'ai le dos large. Non, on parlait des applications en veille dans le iPad. Ah, oui, oui. Voilà. On finissait avec ça. Ouais. Voilà, donc, ça va être les petites choses à vérifier. Parce que moi, vu que j'ai pas de nouvel iPad... Je peux pas vérifier. Non, mais ce sera pas matériel entre le nouvel iPad ou l'iPad 2. Là, si ça fonctionne pas sur le nouvel iPad, ça fonctionnera pas sur l'iPad 2. Là, je vois pas pourquoi. Niveau logiciel, là, y a pas grosse différence là, entre les deux. Mm-hmm. Voilà. Donc, dans le chat, il y a des gens qui ont déjà essayé. Puis on nous dit qu'avec Plex, ça fonctionne. C'est-à-dire que si on met le iPad en veille dans Plex, ça continuerait à fonctionner. Je ne sais pas si c'est pas une histoire de buffer ou quelque chose comme ça. Peut-être que le comportement, en fait, je ne sais pas. On va vérifier au courant de la semaine, bref. Si on va dans notre document, on nous a posé quelques questions cette semaine sur les différentes plateformes auxquelles on s'alimente, c'est-à-dire en premier lieu, évidemment, Mac Québec Entraide. Il y a encore le forum, le bon vieux forum Mac Québec qui est là, où est-ce que, il y a des vieux de la vieille qui préfèrent ce mode de fonctionnement-là et qui continuent à y être. Pour ma part, en fait, je vais un peu sur les deux. Et on nous pose aussi beaucoup de questions sur, sur Twitter et quelques-unes même sur Facebook. Donc, nous, on fait un petit tour de toutes ces plateformes-là où est-ce qu'on aime bien vous lire. Et puis, on va chercher les questions autour de la semaine, au courant de la semaine, c'est-à-dire. Donc, Vincent, c'est quoi la première question? La question n'a pas l'air claire, par contre. C'est de Loubas sur Mac Québec Entraide. Passage de Snow Leopard à Lyon. OK. C'est juste sa question. Donc, pour ceux qui sont passés de Snow Leopard à Lyon Upgrade, j'aimerais bien avoir votre opinion. Maintenant que Lyon est sorti depuis quelques mois et qu'il y a eu certaines mises à jour pour stabiliser le tout, regrettez-vous votre passage à Lyon? Si vous pouviez faire un retour en arrière, Snow Leopard, le feriez-vous? Je pose la question car je suis tenté de le faire pour pouvoir profiter de iCloud car Apple va mettre fin à mon abonnement MobileMe au début juin 2012, effectivement. Et je veux pouvoir continuer à synchroniser mon carnet d'adresses ainsi que mon iCal. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça, vous? Ben moi, c'est sûr que j'upgraderais de version, mais je passerai pas tout de suite à Mountain Lion parce qu'on a assez de troubles, nous autres, avec. Là. Fait qu'oubliez ça, là. Mais pour la version de Snow Leopard à Lyon, oui, le fait de iCloud aide beaucoup. Puis surtout que Loubas, il y a un compte MobileMe, il devrait le faire au PC parce que en réactivant son iCloud, Apple vont lui donner 20 gigs. Sur... Mais je pense qu'ils vont lui donner 20 gigs jusqu'au mois de juin, par exemple. Ah oui, je pense que oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Oui, c'est vrai, ils vont y donner, ouais, c'est vrai, jusqu'au mois de juin. Mais non, mais c'est vrai que en cas là, je suis en train de. C'est la dernière vraie version de Lyon, qui est la 10.7.3. Normalement, elle dit que c'est la version la plus stable du système d'exploitation. Ça a presque toujours été depuis. Depuis les dernières versions de Mac OS X, moi, je suis en train de tester 10.7.4 présentement. Il n'y a pas beaucoup d'améliorations. C'est peut-être plus une couple de problèmes qu'ils ont eu, mais il n'y a rien de neuf. Mais moi, en tout cas, je suggère de passer à Lyon, mais attendez avant de passer à Mountain Lion. Mais Mountain Lion est disponible seulement pour les développeurs actuellement, donc... Ouais. Personne qui va mettre la. Tu sais, je veux dire, la personne qui va aller chercher Mountain Lion sciemment a payé le 99$ ou bien bon, se l'est téléchargé. Comme mais des la cas, mention. Disons qu'on l'a acheté. La mention, c'est ça, mais la version bêta, c'est une version bêta. Là. Si j'envoie un clown la semaine prochaine dire hey, j'ai mis la version bêta de Mountain Lion, fait que je poursuis, je sais pas quoi, Apple à la ville de Montréal, comme le gars qui poursuit pour Siri. Là. Bon, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris au terme bêta. Bernard, est-ce que tu es satisfait avec Lyon, toi? Oui, en général, oui, sauf certaines petites affaires qui au niveau du son. Okay. Donc, Wiretap Anywhere qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont changé des choses au niveau du corps audio. Mais bon, c'est une application qui est vraiment spécifique. Pour ce qui est de... faudrait que la personne vraiment fasse un tour d'horizon de ces applications pour voir s'il y a des applications qui ne seraient pas dans l'ancien format, là, parce que Rosetta disparaît. Voilà. Donc, il faut vraiment vérifier la compatibilité de leur logiciel avant de faire le grand passage. Oui, parce que si vous utilisez Office 2004, ne fonctionne pas sur Lyon parce qu'il prend le système Rosetta. Il ne s'installera pas, mais pas en tout. Voilà. Pour ta part, Vincent, comment tu trouves Lyon à date? Ben, je trouve ça intéressant. C'est vraiment un changement plus visuel. Quoique, en arrière, ça commence à s'approcher plus du sandboxing. Donc, tranquillement, comme on a vu avec Wiretap Anywhere, ils ont des changements en arrière. au niveau audio, mais au niveau de plusieurs choses. Sécurité, je sais que ça a augmenté. Je m'en rappelle pas c'est quoi exactement. Au niveau de File Vault, pour ceux qui l'utilisent, il y a une amélioration aussi. Par exemple, je pense que dans Snow Leopard, tu pouvais pas crypter ton disque dur puis faire des backups, puis crypter aussi tes backups sur ta time capsule. Donc ça il y avait eu un changement au ce niveau-là. C'est beaucoup visuel aussi. Puis si vous voulez, les dernières applications qui sont supportées sur Lyon, bien évidemment, Lyon est un incontournable. Pour ma part, en fait, on se souvient en fait que à l'épisode autour du retour des fêtes, on avait parlé des flops de Apple de l'année et Lyon était quand même un de ces flops-là. Les fonctionnalités qui sont offertes dans Lyon, sauf probablement pour iCloud, sont, comme tu viens de le dire, Vincent, plutôt esthétiques, que ce soit au niveau de Launchpad ou au niveau de Mission Control. C'est sûr que les petites améliorations esthétiques qui sont toujours agréables, mais et l'autre chose, on parle du sandboxing. J'ai discuté à la COOPS avec les gens de chez Druid Informatique et on le sait, Druid est une application qui, si le sandboxing, ça ne peut pas être pour eux. Et la personne de chez Druid était quand même très au fait parce qu'on a parlé un peu de Mountain Lion. Et quand on installe Mountain Lion, il y a un choix qui se propose aux utilisateurs, c'est-à-dire de permettre que l'installation d'applications sandboxées provenant du Mac App Store. Ça, c'est une des options à l'installation de Mountain Lion. Ensuite de ça, on a une autre option, qui est en fait la troisième, et qui est d'utiliser l'ordinateur tel qu'on le fait en ce moment, c'est-à-dire de pouvoir installer des logiciels provenant d'à peu près n'importe où, qui n'aient pas de vérification, quoi que ce soit. Et la troisième option, en fait, qui montre en fait quand même quelque chose d'assez spécial chez Apple, c'est de pouvoir permettre l'installation d'applications sandboxées ou d'applications signées par Apple. Donc, il va y avoir une espèce de processus de vérification de la part de Apple, mais cette application-là qui va être signée ne sera pas proposée à travers le Mac App Store. Les compagnies vont pouvoir probablement faire vérifier l'application, mais quand même la distribuer à travers leurs propres moyens. Et puis on ne parle pas de sandboxing dans ces applications-là. On parle juste d'une vérification de l'application par Apple selon certains critères qui n'ont probablement pas été encore annoncés. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des applications que Apple va autoriser. Tu sais, comme quand il parlait de sandboxing, il disait ben il faut que ça reste dans telle limite. Ou sinon, nous demander la permission. J'ai l'impression que ça va être ça qui va se passer. Oui, GF, tu veux rajouter quelque chose? On sait qu'il y a des antivirus sur le Mac App Store. Est-ce que les antivirus vont rester ou ils vont disparaître? Ils font un scan des fichiers, les antivirus. Donc, c'est pas directement une vérification. Ah, peut-être pour des services activés, puis il est en train de regarder. Tu as raison. C'est pas vraiment un antivirus à proprement parler. Ben, c'est un scan, oui. Non, mais mettons, là, il y en a des vrais antivirus sur le. Il y a chose là qu'il est vraiment. En tout cas, il est pas bon. Là. Intégro, oui, c'est ça exactement. Là. Ouais. Ce qui bouffe de la mémoire à finir quand vous installez ça. Là. Il fait pas juste un scan, là, il vérifie en continu là, ton système quand il est au démarrage. Tu me fais des beaux yeux, Vincent? Fait que non, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ces antivirus là qui sont toujours en arrière-plan du système pour vérifier tes fichiers, qu'est-ce que tu télécharges ou qu'est-ce que tu utilises là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais comme Alexis dit, ils vont peut-être laisser permettre certaines compagnies qui vont mettre de l'argent sur la table pour en tout cas. Je dis ça de même, là. Mais... Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit faire vérifier leur application par Apple. C'est pas mettre l'argent sur la table ou quoi que ce soit, mais Je ne sais pas si la certification va coûter quelque chose. C'est sûr qu'avec une application certifiée, ça va être beaucoup plus facile, en tout cas au niveau sécuritaire. Jusqu'à la journée où cette certification-là, ben quelqu'un qui va passer au travers ou trouver la faille, à ce moment-là, vendre une certification, ça risque d'être moins joli. Là. Ils vont avoir à dealer au niveau PR. Ouais, je ne sais pas ce que ça va avoir là. On a une question en ligne, messieurs. On va regarder ça tout de suite. Donc, y a-t-il une possibilité d'envoyer des SMS avec iMessage avec un nouvel iPad Wi-Fi non 3G ou LTE magouille app genre Cydia Jailbreak? Une possibilité d'envoyer des SMS. En fait, non, parce que si vous ne pouvez pas mettre le numéro de téléphone dans l'iPad puis contacter. Donc, si vous prenez par exemple votre iPhone, puis moi, mon numéro de téléphone, je texte à Alexis, c'est un iPhone 4. 4S, mm-hmm. Donc il reconnaît la compatibilité, puis il transfère sur iMessage. Mais si vous avez synchronisé votre iPad, ça va être tous vos courriels, mais ce ne sera pas le numéro de téléphone. Donc malheureusement, non. On parle de Cydia après ça. J'irai pas plus loin, mais ça se peut qu'il existe quelque chose dans Cydia Store pour ça. Là. Peut-être, effectivement. Il y a plusieurs petites applications qui permettent de faire de l'espèce de SMS. WhatsApp, entre autres, qui est une très jolie application. Puis au niveau de la gestion de... Comment ça s'appelle? Au niveau de la gestion des SMS sur peut-être Cydia, il y a des beaux logiciels aussi, mais si on... En fait, c'est parce que du SMS, c'est vraiment un message qui passe par un protocole de l'identification est faite par un numéro téléphonique. Or, si on est connecté sur le Wi-Fi et qu'on n'utilise absolument pas de réseau téléphonique, c'est dur de transférer, en fait, le message. Il va devoir passer par Internet et il ne passera pas par une ligne téléphonique. Il s'en ira pas dans un PBX, dans tout ce qu'il faut pour être sur une ligne téléphonique. Ça risque d'être compliqué. Peut-être des services en ligne de SMS, là, des petits sites web où est-ce qu'on pourrait en envoyer. Si je ne me trompe pas, il y a peut-être moyen par l'interface de Facebook ou encore Skype qui peuvent permettre d'en envoyer, mais Skype, peut-être pas. Skype, surtout, des fois, vous recevez des notifications parce que vous ouvrez votre iPad, mais vous vous rendez compte, et on le voit souvent, en tout cas, pour moi, là, quand on fait le show, on se communique sur Skype un peu aussi pendant le show. Puis il y a des notifications qui m'apparaissent sur l'iPad quand je l'ouvre. Ça fait deux shows. Il y a deux semaines, avait écrit un lien vers un site web pour le retranscrire dans le podcast. Puis je l'ai reçu sur l'iPad deux semaines après. Fait que pour Skype, ça va pas super bien. Vonage, que j'ai déjà parlé, le fait aussi. Vous pouvez envoyer des SMS gratuits. Avec l'application. J'en ai jamais fait personnellement, mais je sais que l'option est là. D'abord, ça veut dire que ça marche par une autre, par Vonage. C'est ça qu'il voudrait faire. Il voudrait probablement avoir un iPod Touch ou avoir un iPad non LTE ou non 3G et réussir à envoyer des messages texte à quelqu'un. On nous disait dans le chat, on nous parlait de Text Plus. Qui pourrait en envoyer aussi et qui fournit une espèce de pseudo numéro de téléphone, mais ça demande de partager ce numéro-là avec les personnes. Donc, appelle-moi à tel numéro 514, mais texte-moi à tel numéro 602, quelque chose. C'est peut-être... ça complexifie un petit peu les choses. Rapidement, on va s'en aller tranquillement vers la fin du show. Tu peux me laisser 5 minutes à la fin du show tantôt? J'aimerais ça parler de l'application rapidement, puis vite pourquoi j'ai pas été au début du show. Là. J'ai une petite expérience, un coup d'os puis un coup de 12, on va dire. Excellent. Il y a Julien Blais-Savoie. Si tu veux finir le show... Bientôt, on va passer à l'autre question en tour, Alexis, à Lucie Paquin. OK. Perte de Wi-Fi avec le nouvel iPad? Oui. OK. Il y a... Il y a Lucie Paquin qui nous dit s'est acheté un nouvel iPad depuis 2 semaines et elle a beaucoup de pertes de signal de Wi-Fi avec son iPad. OK. Puis elle se demande si c'est normal, tu sais, parce que l'iPhone 4, il n'y a pas de perte de signal. Puis elle se demande si y a-t-il une option où elle doit aller au Genius Bar. Il y a un problème avec certains iPads de connexion Wi-Fi, pas LTE, là, juste version Wi-Fi. Là. Apple est déjà au courant. Ça a sorti cette semaine. Okay. Apple est déjà au courant. Fait que d'après moi, ça doit être. C'est pas matériel, c'est peut-être logiciel. Ça doit être dans la version de iOS 5.1 qui doit avoir un problème. C'est vrai qu'il n'y a pas de patch qui sont sortis hein, pour iOS 5.1 à date. Là, il n'y a pas de 5.1.1 ou quoi non, que ce soit. Non, pas encore. Pas de... ouais. Puis on en entend pas vraiment parler. On n'en voit pas non plus à apparaître. Moi, j'ai vu des problèmes avec le LTE et le 3G. L'appareil bascule entre les deux. C'est sûr que c'est pas partout qu'il y a du LTE. Mais des fois, tu arrives dans une zone où est-ce qu'il est supposé en avoir et il reste en 3G. Là, tu es obligé de flusher les paramètres réseau. Puis quand ça revient, oups, il est en LTE, puis tout va bien. Fait que il n'y a probablement pas juste en Wi-Fi. Il faut dire que c'est un appareil, c'est pas de première génération, mais c'est un appareil qui vient de sortir, qui est tout chaud. C'est pas pour les excuser ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, c'est comme s'il se faisait avoir à chaque nouveau iPad. Là. Les 2 premiers mois, il y a des espèces de problèmes bizarres comme ça sur les appareils Apple. Après ça, ça fonctionne bien pendant 9 mois. Et puis le dernier mois, on dirait que ben juste en préparation au nouveau bidule qui va sortir, on dirait que les performances descendent drastiquement. C'est comme si on sentait bon ben là, il me semble que je suis dû pour une nouvelle bebelle, là, celle-là, elle va lentement, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis au niveau de la batterie aussi, c'est un petit peu la même chose, bref. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Puis, bon, l'article que tu as trouvé sur Mac Génération, c'est vraiment au niveau du Wi-Fi, mais moi, je l'ai vu au niveau du LTE. Du LTE, voilà, okay. Du cellulaire. Capitaine Anne, on a le temps pour une petite dernière, peut-être? Depuis un moment, quand je fais la synchro de mon iPhone avec iTunes, mon carnet d'adresses ne se met pas à jour. C'est-à-dire que mon carnet d'adresses sur mon Mac a de nouvelles entrées. Et quand je synchronise, même sur iTunes, dans la lecture du contenu de mon iPhone, ces nouveaux groupes d'adresses n'apparaissent pas. Je ne suis pas sur iCloud. J'ai tenté d'éteindre complètement, de réactiver. Rien n'y fait. C'est comme si iTunes ne lisait pas mon carnet d'adresses actuel. Help! Moi, parce que quand on crée un groupe, parce que lui, il crée des groupes de contacts. Il l'écrit pas nécessairement, là. C'est pas... Ah non, c'est pas ça qu'il dit? Non. OK. Mais en tout cas, il faudrait vérifier premièrement que quand vous branchez votre iPad, là, iPad ou iPhone là, ou iPod Touch, que vraiment que la case, vu que la personne n'utilise pas iCloud, faut vraiment que la case soit cochée du iCal et du carnet d'adresse. Là. Sinon, c'est sûr que ça synchronise, ça synchro jamais là, si la case n'est pas cochée dans iTunes. Là. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui le faisait, c'est-à-dire que ça fonctionnait, la mise à jour du carnet d'adresse, et que c'est comme si tout d'un coup, en fait, ça avait arrêté de fonctionner. Il y a, si je ne me trompe pas, tout en bas de la page qui permet la page Info, là, qui est le deuxième onglet quand on sélectionne son appareil dans iTunes et pour gérer les iOS, les appareils iOS. Donc, le deuxième onglet. Je serais fatigué, j'ai voyagé pas mal cette semaine. Deux fois aller-retour à Québec, là, en 3 jours, là, c'est assez rough. Donc, l'onglet Info, vous permet d'aller en bas. Et il y a une dernière option en bas qui dit « Remplacer le calendrier courriel et le carnet d'adresse sur l'appareil iOS ». Donc, à ce moment-là, il devrait comme flusher complètement ce qu'il y a déjà sur l'appareil pour réintroduire les informations que vous auriez dans votre ordinateur. Des fois, il peut y avoir des petites corruptions aussi entre autres, en fait, une des problématiques qu'il y a et qui est assez récurrente, c'est une espèce de fichier de synchronisation iPhoto qui finit par déconner à un moment donné. Puis on dirait qu'une fois que lui a déconné, il finit par empêcher toute forme de synchronisation avec le iPod, entre le iPod et iTunes au niveau des autres informations. Fait que ça vaut peut-être la peine de vérifier sur Internet pour ça. Là. Ça peut être une piste intéressante aussi. D'autres choses à rajouter, messieurs? Non. Mais on conseille d'utiliser iCloud. Ça ben, va, c'est possible, mais c'est pas possible, ouais. Parce qu'on est avec 10.6. Ceux qui ont des Core Duo, entre autres, ne peuvent pas passer à 10.6. Une certaine partie des premiers MacBooks, si je ne me trompe pas, à cause de la carte vidéo intégrée aussi, ne peuvent pas aller jusqu'à 10.7. Donc, voilà. Puis, tu sais, souvent, ces gens-là, vu qu'il y avait un Mac, ben, ils se sont fait offrir un petit peu plus tard un iPhone. Puis là, ben, que ça ne fonctionne pas, c'est un peu plate. Mm-hmm. Voilà. 11h19, on va s'en faire une petite dernière. Moi, demain, j'ai des trucs à faire. C'est moi le temps de parler. Oh, oui, ouais, c'est vrai. Après. C'est vrai. Bonsaï sur le forum. Je suis sur Lyon et j'aime bien, mais mon ami a un PPC. Un PowerPC. Je voudrais lui installer Léopard, pas Snow. Quelqu'un pas trop loin de Québec aurait les CD. C'est vrai que c'est dur à trouver. Chez Apple, il y a un service, si je ne me trompe pas, de... Je pense que oui, je pense qu'il est encore disponible. Comment il appelle ça? C'est pas Genuine, Genuine Software, c'est Legacy. Legacy, c'est ça. Le service Legacy. Donc, faut téléphoner chez Apple et puis peut-être leur exposer votre situation. Et puis, il y a un département pour ça, Legacy Software, qui, eux, pourraient vous permettre de commander d'anciens logiciels. Je ne sais pas au niveau des tarifs, où est-ce que ça se situe actuellement. Là, faut-tu payer le shipping and handling, tout ça. Donc, voilà. Puis, Léopard, c'était 10.5. Je pense que c'était effectivement la dernière version qu'on pouvait installer sur des PowerPC, mais il fallait que le PowerPC soit un 867 MHz ou plus. Et puis, évidemment, là, plus on est capable de mettre de mémoire, de bourrer de mémoire là-dedans, souvent, ces appareils-là, ça va être 2 GB quand même au maximum de mémoire, mais 10.5 se comporte bien avec 2 GB de mémoire. En parlant de mémoire, j'ai commandé ma barrette de 8 GB. Ah! Ah oui? Ouais. Fait que je vais l'avoir incessamment. Mais t'as pas de SSD, toi? Non, là, je viens de m'acheter un MacBook Pro à 1400$, fait qu'on va attendre un peu plus le SSD à 200-300$. Mais ta barrette de 8 GB, t'as coûté combien? 65$. Puis ton SSD, Vincent, t'as coûté combien? 150$. Quand même, pour un combien de gigs? 152$ pour un 128 gigs. Shipping et tout inclus? Non, pas shipping. Ça m'a coûté, on va dire, 185$ en tout, là, avec taxes, shipping. Prolator, on me l'a envoyé lundi, puis mercredi, je l'ai reçu en avant-midi. Là. C'est assez. Puis ça part de New York, fait que c'est assez rapide, merci. Mm-hmm. C'est de quel endroit? C'est New York, mais la compagnie s'appelle B&H, B&H. Ils ont une espèce de gros magasin. J'ai écouté une vidéo qui présentait ces freaks. Là. Vraiment, là, tout le monde ici serait aux anges. Il y a des sections micro malades. Ils ont une espèce de salle où tu peux tester les micros. Des caméras là, à genre 10 000 $ maximum. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc ça c'est intéressant, puis c'est pas cher vraiment sur le site, donc aller commander là c'est intéressant. Je peux-tu pas, dans le fond, je vais embarquer sur ce que je voulais dire? Juste avant, est-ce que peut-être, juste avant de passer à Vincent qui va nous parler de ces trucs, de l'application, est-ce que tu as vu, Bernard, un bundle cette semaine? Est-ce qu'il y avait des bundles qui sont sortis? Non, mais celui de Mac Update se termine, je crois, ce soir ou demain. OK. Donc, c'est celui qui a Drive Genius dedans, qui a une autre application que... Celui qu'on a parlé la semaine passée. Oui, c'est VMware qui vient avec. Oui, c'est ça. Donc, ce bundle-là finit là, incessamment. Mais je n'ai pas vu d'autres super bundles, non, pas vraiment. Par contre, j'ai été voir un magasin qui s'appelle Future Shop Liquidation. Il y a un Future Shop Liquidation sur le boulevard Taschereau. Mm-hmm. Ouais. Et ils ont des produits Mac. Donc, liquidation, c'est surtout des boîtes ouvertes, des retours, puis du refurbish. Oh. Donc, il y a toutes sortes de choses, des caméras vidéo, caméras photo, mais ils ont des produits Mac, des MacBook Pro, des MacBook, des Mac Mini, des iMac. Les deals ont-ils l'air intéressants ou oui, c'est peut-être une cinquantaine de dollars? Là, ou un truc certains comme ça? Deals sont intéressants. Là, j'ai été vite parce que j'avais pas les comparatifs en main là, pour pouvoir dire, bon, ben, ça, c'est un bon deal ou pas. Mais bien souvent, il y avait des 100, 200 $ de déduit, c'est pas plus. OK. Mais j'ai vu beaucoup de cordes duo. Ah, OK. Ah oui, tant que ça, OK, c'est si ouais. vieux que ça. Mm. Ouais. La surface okay. du futur shop liquidation, est-ce assez grande ou j'ai pas été encore, il faut que j'y aille, là? C'était un Best Buy qui était là. Qui est déménagé au quartier 10-30. Ah, OK. Ils ont repris, parce que déjà, Future Shop à cet endroit-là, mm-hmm. mais là, ils ont repris ce local-là pour faire du liquidation. Okay. Il y a de l'électroménager. En fait, pas mal tout ce que Future Shop ont, là, des télés, etc. Donc, des fois, il y a peut-être, mettons, on va avoir un Mac Mini pour se faire un Media Center, par exemple. Peut-être qu'au lieu de s'acheter quelque chose qui est plein prix, bien. Ça vous dérange pas de racheter quelque chose qui avait une boîte ouverte, par exemple. C'est peut-être un bon coin pour aller voir pour des économies. Okay. On vient de nous envoyer... Oui, on m'informe à l'instant un article sur 925.com à propos du problème de réception de iPad au niveau Wi-Fi qu'on a parlé tout à l'heure. Apple, en fait, les magasins à Apple ont été avertis d'échanger les unités. Donc, si vous vous présentez dans un Apple Store, ils vont échanger sous la garantie originale le produit pour un autre qui ne devrait pas à ce moment-là être défectueux. Ça ne semble pas affecter nécessairement tous les appareils. Puis, c'est bizarre parce que quand je suis allé au Apple Store, il y a peut-être une semaine et demie de ça. Une dame était rentrée, elle avait des problèmes Wi-Fi, puis ils lui ont échangé tout de suite. Là, elle n'arrivait pas à se connecter, elle, sur du Wi-Fi. Donc, voilà, c'est ce qui met fin. Non, c'est pas vrai, Vincent. On va te laisser ton 5 minutes. De quoi tu voulais nous parler? Son 5 minutes de gloire. Un 2 minutes pour l'application. En fait, il va y avoir une mise à jour bientôt sur l'application Mac Québec. Une application au niveau des notifications. Donc, on a travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus intensément pour pouvoir avoir des notifications. On utilise un service, un autre service en fait pour ça. Mais on est en train de créer notre propre plateforme pour diffuser du feed RSS, donc le feed RSS des articles. Donc, vous pourriez recevoir des pushs pour les articles ou l'enlever si vous voulez pas vous agosser pour ça. Puis faire des pushs pour des annonces, par exemple un keynote où le show commence dans une demi-heure. Donc, des petites choses comme ça. Également, section podcast, on va faire des tests, voir si vous aimez mieux garder le AAC qui est là ou le MP3. On va faire des tests là-dessus aussi. On va faire un sondage. Possiblement une section dons qu'on va rajouter dans l'application. Donc, on fait des tests. Là. Ça va être avec avec les API de PayPal. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de... ça passera pas par une app pour raison... Le 30%, déjà un don, c'est pas nécessairement beaucoup. PayPal prend 5%, eux, ils prennent 30% là, pour les nappes, donc c'est sûr que c'est pas pratique. Puis des petites modifications à l'intérieur, là, nettoyage, ça se peut que l'application soit un peu moins lourde. Donc c'est ça. Ça, c'est pour l'application. Puis pour mon petite aventure rapide d'aujourd'hui. En fait, j'ai, comme on l'a dit déjà, j'ai acheté un SSD sur le site qui s'appelle bhphotovideo.com qui est dans la chat room en ce moment. J'ai commandé le SSD, il m'a coûté à peu près 150$ moins shipping et taxes. Super intéressant, c'est un Crucial. Il y a près de 500 mégabits de lecture contre près de 200 d'écriture, donc c'est vraiment intéressant. Puis pas cher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé mon SSD au lieu de mon disque dur, puis j'ai pas encore commandé le Data Doubler. Donc j'ai été obligé de tout réinstaller sur mon SSD pour faire du ménage, vu que je dépassais 128. J'ai eu un problème, puis j'ai aucune idée pourquoi. À chaque fois que je restartais mon Mac, ça repartait à zéro. Donc mes icônes de départ, espèce de d'image là, de photo boot qui est en avant, toutes les applications étaient parties. L'historique de Safari quittait, donc c'est une espèce de restart à la première fois que je l'ouvrais, l'application. Puis même les applications que j'avais ouvertes la première fois que j'ai ouvert mon Mac repartaient. Donc c'était vraiment bizarre. J'ai fait des PRAM, des resets, ça fonctionnait pas. J'ai fait réparation de disque, ça fonctionnait pas. Donc à la maison, tantôt, j'ai été obligé d'effacer au complet et de repartir. Puis j'avais aucun CD ou aucune clé USB. Mes clés USB sont toutes pétées. Fait que j'ai téléchargé. Pendant que je téléchargeais, j'ai pris mon boîtier de backup que j'ai ouvert, que j'ai remplacé un autre disque dur. Que j'ai fait un clean pour le mettre en NFS plus. J'ai effacé ça, j'ai enregistré une fois que c'était terminé. Je l'ai branché. HFS plus, oui, effectivement. Je l'ai effacé, c'est ça. J'ai installé le Lion dessus parce que j'ai utilisé un autre Mac pour télécharger Lion. Je l'ai branché dedans, j'ai fait l'installation. Une fois que c'était fait, j'ai installé les logiciels. Ça a pris un certain temps. Ça a pris genre 10 ou 15 minutes à installer Mac OS X avec le SSD. Donc, wow. Puis vraiment, là, quand je l'ouvre, là, ça prend 15 secondes puis tout est ouvert. Là, donc, c'est vraiment surprenant. Donc, c'est ma petite aventure d'aujourd'hui. Excellent. C'est ce qui met fin au podcast cette semaine. J'ai du plancher de bois flottant à faire demain. Je baille depuis tout à l'heure. Je suis plus capable. J'aimerais quand même dire salut à certaines personnes qui sont en ligne, qui sont des auditeurs fidèles, entre autres Louis, qui est tout le temps là, Éric Paquin de Ordigénie, qui vient faire son tour, Biker Chief, Daniel Labelle, Barnac77, qui est souvent là, en fait, c'est souvent les mêmes. Et puis Nicolas, en fait, qui nous a écrit un peu avant le show pour nous dire hey, « je vais essayer d'être là à soir si je ne m'endors pas avec... avec ma petite fille. » Puis, en fait, là, il vient tout juste de quitter. Ouais, il vient de pouf. Il vient de disparaître. Fait que, ciao, bye, on se reverra. Fait que, c'est ça, ben, c'est ce qui m'a fait au show. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs? Moi, on peut me retrouver sur Twitter au nom de JFROI1979, Facebook, Google. On peut me retrouver partout, sur tous les médias sociaux. Excellent. Bernard? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, c'est Bernard. Facebook, la même chose. Et plein d'applications de médias sociaux, mais c'est pas mal les deux que je me sers. Et pour les prochains mois, on peut te retrouver sur le vieux continent où tu t'en vas te ressourcer. Donc, reprendre évidemment ton accent français pour pouvoir mieux utiliser Siri. Oui, puis je vais visiter beaucoup de pays, fait que je vais essayer de voir s'il n'y a pas des Apple Store que je pourrais aller voir. Ah! Peut-être aller voir celui du Louvre. Oui. Ben oui, celui du Louvre. Je pense que c'est celui où est-ce qu'il y a une belle pyramide de verre, c'est ça? Ouais. Non? Okay. Je pense que oui. Excellent. La pyramide de verre surplombe l'entrée, en fait, du Louvre qui est en sous-terre, finalement. Mm-hmm. Oui, c'est le bas de la pyramide, en fait. Exact. Ouais. Ah non, c'est ça, elle est... Oui, mais... Elle est comme ça. Elle est inversée, hein? Elle est inversée, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment une pyramide, là. On la voit sortie d'une pyramide, puis on la voit à l'envers en dessous, là, mais C'est plus comme un dé à 8 faces. C'est un... Ouais. Je vais prendre des photos. Ouais. Tu vas prendre des photos, moi, ouais, c'est ça. Excellent. Ou sinon, moi, on me trouve sur Twitter à DEVVMiller. Également sur mon site web, vmiller.ca, si vous voulez développer une application iPhone ou iPad. C'est gentil, il y a bien du monde qui me contacte là, depuis un certain temps, donc je suis assez occupé. Mais je vous remercie, donc c'est ça. Et toi, Alexis, on peut te rejoindre où? Ben, on peut me rejoindre sur Twitter au Alex Cornelier. On peut me rejoindre aussi sur Draw Something at Alexis Cornelier en deux mots, avec un S puis deux L à Cornelier. Si vous faites du Draw Something, là, je suis pas mal addict là-dessus. Fait que c'est super beau sur un nouveau iPad. Si vous avez besoin de quelqu'un à la maison pour vous donner un coup de main, que ce soit pour que ce soit en termes de consultation, vous n'êtes pas sûr des produits que vous voulez acheter, vous ne voulez pas faire d'erreur, peut-être une petite formation au niveau de e-photo parce que vous ne comprenez pas tout. Vous, sur le PC, vous faisiez des dossiers manuellement, tout ça, mais là, vous ne comprenez pas comment iPhoto gère toute cette immense bibliothèque ou que ce soit pour remplacer votre disque dur, installer de la mémoire, faire un peu de maintenance dans la machine. Ben, vous pouvez contacter les services de Mac Québec. Et c'est moi que vous allez contacter pour venir à la maison. Et vous pouvez aussi me retrouver au Palais de justice de la Cour supérieure de Montréal. Le 30 avril prochain avec probablement une grosse pile de papier et une paille McDonald's où est-ce que je vais subtilement pitcher des petites boulettes de papier à quelqu'un qui poursuit Apple à cause que Siri ne fonctionne pas comme prévu. Voilà. Donc, ça met fin à notre show cette semaine. Que tu parlais de la pile de papier que tu as ramassée cette semaine. Non. Ah, okay. Non, pas cette. Je devrais peut-être en fait là, aller faire un tour, contester un peu. Ça a coûté cher. Ouais. Ouais, ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, ben on va laisser. On va quitter. On va pas parler de ce pan-là plus. Mais disons que question karma, j'ai dû dire quelque chose contre Québec, puis ça m'est revenu au centuple. Voilà. Merci beaucoup. Comme je le disais dans le podcast Mac Québec, ce qui nous ferait bien plaisir cette semaine, si vous pouviez aller faire un petit tour sur iTunes et donner une note, la note que l'application mérite en fait pour l'application MQ Mobile et aussi pour le podcast, laisser un petit commentaire. Dans les prochaines semaines, on va s'appliquer à... Je sais que c'est un petit peu touchy là, quand on commence à parler d'argent. On va s'appliquer à, comme Vincent l'a dit, à mettre des boutons de donation. Et on espère pouvoir participer un petit peu. C'est sûr qu'on est en situation économique bizarre en ce moment. Il y en a peut-être même d'entre vous qui nous écoutent, mais que bon, c'est un moment de détente pendant la semaine, alors que le gros stress de peut-être pas avoir de job, mais nous, on cherche à améliorer le show. Donc, si vous appréciez une maigre contribution de votre part, messieurs, c'est d'apprécier. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye, bonne soirée. Bye-bye. Au revoir.